Chapitre 12e, épilogue. Berton, désespéré, remonta avec l'aide d'un passant le cadavre de la pauvre Marthe dans sa chambre. Puis il se rendit à la sûreté et raconta ce qu'il savait et ce qui venait de se passer. On télégraphia au procureur de la République de Rambouillet, qui, sans perdre une minute, envoya les agents et les gendarmes au domicile du prétendu de Coninck. Mais il était trop tard. Les bandits avaient décampé. Se défiant sans doute de Marthe, il l'avait surveillée, avait vu son départ et le terrible Grazer, prenant le train suivant, était allé se poster aux abords de la demeure de Berton où il supposait avec raison qu'elle était venue. Quand elle était sortie avec l'inspecteur, il avait attendu le moment favorable. Et dès qu'il avait vu la jeune femme seule pour quelques minutes, il avait frappé. Puis il avait pris la fuite. Des recherches furent faites de tous côtés. Le service des garnis fouilla tous les hôtels, depuis le plus luxueux jusqu'aux bouches sordides. Les départs des gares furent surveillés, mais on ne découvrit aucune trace des trois bandits. Ce n'est que plus tard qu'on sut qu'ils avaient gagné l'Angleterre où ils avaient recommencé leurs sinistres exploits. Mais là, ils avaient eu moins de chance. Surpris en flagrant délit, ils avaient été jugés, condamnés et pendus. Berton demeura inconsolable de la mort de Marthe. Malgré son passé, il n'avait pas cessé de l'aimer, et pendant les courts instants qui s'étaient écoulés entre sa confession et sa mort, il avait rêvé de la réhabiliter en en faisant sa femme. Le destin en avait décidé autrement. Il lui fit faire des obsèques convenables. Puis il alla offrir sa démission au chef de la sûreté. « Je veux, dit-il, quitter Paris, la France. Je rengagerai dans mon ancien régiment, aux colonies, dans la brousse. J'oublierai mes chagrins. » Le chef le dissuada de cette idée. « Reste avec nous, au contraire, lui dit-il. Il vous faut vous venger sur toute la race des bandits des souffrances que ceux-ci vous ont causées. » Il s'est rendu à ses raisons et il est aujourd'hui un des meilleurs et des plus actifs inspecteurs de la sûreté. Il fait à toute la paix une chasse inexorable. Et chaque fois qu'il a réussi une capture importante, il va sur la tombe de Marthe faire une prière et lui dire qu'il l'a vengée. Ainsi s'achève Les assassins fantômes par Georges Grison.